بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قدب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد الكجاني وخلفائه المهتدين وعلى طريقة الفائزين الرابحين. أما بعد، قال سيدي علي حرازم برادة ناقلا عن شيخنا وسيلتنا إلى ربنا أبي العباس أحمد بن محمد الكجاني رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما وعنا بهما في شرح ياقوتة الحقائق من كتابه جواهر المعاني وبلوغ الأماني. قوله والجانية يعني الجنة ما غاب عن الأبصار واستتر، وذلك شامل للجان والملائكة ولجميع من غاب مثلهم عن عين الإنسان، وهو صلى الله عليه وسلم أفضل الجميع إلى آخره. ci jotay bi wessu gisone nañu manam ci li nga xamne mom la ci yaqutatul haqaiqi moy bunna allazi la yudrikuhu darik wa la yalhaquhu lahiq as-siratal mustaqim nasir al-haqqi bil-haqqi ak allahumma salli wa sallim ala ashrafil khalaiqil insaniyyati wal janniyyati legi moy allah moy bur yalla mi ci tour yu rafet ak mel yekati ko salli yalla nga julli wa sallim te nga sol mo ala ashrafil khalaq ci gën jaar te di minde fi al insaniyete ay ko jug nit ñu wal janete ay ko jug jinne legi la ci aju won ci walu nit ak seen ngir ak walu gogu gisoon nañ ci parti bu am solo doomu adama mom ñi nga xamne mom moy tanefu yalla ñi gëna sell ci borom bi subhanahu wa ta'ala ñu bind mo doomu adama wa comme ni hadith bi wax yalla dafa tan ci bindé fi yépp ginnaw bu ko paré dafa ci tan kan doomu adama gën ci ban doomu adama mu tan ci banu kinana ci yu banu kinana mu tan ci quraish ci bir quraish mu tan ci banu hashim mutanu ci sen bir al urbu khayru unasin thumma khayruhum quraishuhum wa huwa fihim khayru khayrihim jabir ibn abdullah al andalus okay daf motax mune lillahi darru alladhi qad qala madihahu wala madihahu kiko waye neena okay wala doga wax doga tay afa la jazahu mawla wa ndaw ibn abdullah al-andalusi lutud rahmuhullah deng legi kon al-janiyatu legi nak kon walu nit gi gis na comme nit mom moy tanefu ya manam kon boba buñ ne ki gën ci mindeef motax yeen nabi sallallahu alayhi wasallam li prouver ni mo gën mindeef fi bo réussiré ci prouver ni mo gën ci nit ñi moy jëmmé prouver ni mo gën ci mindeef ndax comme que nit ñi ñom ñoy tanef yalla parce que moy comme exemple biñ joxe won ci jotaay bi wessu buma né président de la république moy kilifa yi ministère lolu doyna ci né moy kilifa yi réew mi parce que boudé ministère mom mo leen yi def limi tekki moy manam parce que ministère rek ñom ñoy gérer réew mi ke leen yi lif moy yi lif ñep voilà lolu doyna okay wal jamiyati kon légui yu jinné yi yaani mi ngi ci nam al jann manam fi moy li neub xam nga baatu jinné mom lay wax ni mune ma ghaaba moy li nga xamantene lepp lo xamne dafa faddu ala absari ci beuti wastatara temu neubutu temu laqatu lol la lol mom lañ wax jinné lepp lo xamantene beuti duñ ko gis ba para mu neubutu wa zalika ta lolu shamilun aj lambona lil jann ñel jinné yi ñi ñi li ñu wax jinné wal malaikati ak malaika yi wal jami' ma man ak mbolam ko xamne rek ghaaba dafa faddu misluhum ñu melni ñom an ayn insaan wal lif batu doom adam watu batu taw ngay ko batu nit du ko gis rek koku lool lañ wax jinné wala lool mom motax manam madda bobu jim nun manam nun buñu sadda manam moy ñaari nun ñoy da manam madda bobu manam moy matière bobu moy radical bi wala radical bobu ci arab day tektale tout temps lu neubutu même lé xam nga jinné alquran tuduna jinné fo xamantene bolem tafsir kat yi deppo nañ ci né malaika lañ ci dublu moy bimu nan wala qad alimatil jinna innahum la muhdaruna fofu non bimu nan moy jinné yi biñ nan innahum la nakaro wax tata moy biñ nan ñom jinné lañ doon jaam bimu nan bané jinné xam nañu né manam jinné fofu malaika lay tek wala manam fofu malaika yi wala fofu té bo xolé même borom ko xam rahmatullah dañuy wouté ci motax iblis ñu wouté ndax malaaka la wala jinné la parce que bo xolé motax bi alquran nan kana minal jinni fa fasakhan am rabbihi ñom jinné bobu tekkelu motax ñom ibn abbas radhiyallahu anhu etc tafsir kat yu mag yoy radhiyallahu anhum ñom dañ ni dafa am manam al jinnu minal malaikati déjà dañu am groupe bu tuddu nonu hein boko bolé ak ñi nga xamantene manam jinn moy lepp lo xamne dafa faddu wolé manam kana minal jinn moy lu nit dul gis rek lolu jinn la lolu mom motax xol ñu nan ko al janan ndax xam nga fi mu nek duñ ko gis mo nan ko al janan gis nga même madda bi la même radical bi la lolu tax tol ñu nan al jannat ndax tol jardin pour ñu tuddé ko moy bu fekente ne garab yi dafa nat ba neub suuf ci mo tax ñu nan ko al jannat deng voilà comme li yannabi sallallahu alayhi wasallam waxon tamit ne subhana rabbi nafa lak hadith bi hatta dafni halak ummati fi ta'am wa ta'un sama xet seluk alkale manam ray gu bari deer gu bari ci ñaar lay amé moy jam mom xam nañ moy door pistol nga dé wala nga jam pa ko mu dé wala door jass mu dé lolum mom jam ak flèche yi door jam mu dé moy xex ye guerre ye ak yoy ci lañ ñuy gis massacre yu bari di amé muna wata'un ñu nako xam lañu lan moy at-ta'un mais xamuñu luy ta'un moy lay aji jamaaté bu mag gu reej mom lañ wax ay moy ppp ki epidemie voilà ñu ko mais lan moy ta'un muna wakhzu ikhwanukum min al-jinn ay ci lañu ay xéetu duggu la gu leen di duggu seen yenn mbokk yi mune minal jinn baatu jinn moy lu neubut manam ay seen ño xamantene ay jaamu yalla lañ comme yeen mais manam seen mbokk jaamu yalla lañ mais dañuy mëna dugg ci seen yaram yi te do lañ leen gis moy microbe virus yi ak yu mel non lool moy tax moy indi epidemie hein voilà xam nga kon manam moy lepp lu doomu adama dul gis motax madda bobu lool la motax même xalé bu tuti bi nek ci biiru yaram ñun ñuko moy fetus bi ñuko tuddé al janin manam moy ki nek ci biiru yaram parce que lan motax parce que xam nañ ni mi ngi fi mais kenn du ko gis ñi nek ci biti duñ ko gis xana a par échographie ak yoy ñu gis ni voilà manam moy radical bobu da jim ak nun manam nunun mushaddada da hein nun bobu lolu radical bobu lolu lay tektale day tektale ne moy lundul gis da motax xala gis wax fala ma janna alayhi al-layl wala ra'a kawkaba fala ma janna gis nga bamu lendeme gis nga janna wala tek manam bamu lendeme alayhi ni mom al-layl guddigi manam guddigi dem ba mur bamu lendem lol lay tek manam moy dafa tax ba do lam daan gis ci becc gi gisatuko leer wala on dal pour wax dal ne bat bobo wala manam ke ni piri mom mu wax ciosanam ko ciosan manam wax di ki la dal manam ci walu lu xala dal ci la delu ti comme ñu dem ci borom xam yi wax comme iblis bu fekke man na nek ci malaaka yi la par exemple ñu def ak comme le fait que malaaka yi mu yexan lu no may umarum waaw ñooñu dañuy wax ne c'est que malaaka yi nga xamantene ñom duñu moy ndigalu yalla sa yi nga xamantene iblis bo xolé borom subhanahu wa ta'ala telon na len wax ne dina am kenn ci yeen ku koy moy manam kon telon na wax ne dina am kenn manam lolu dafa genn aada manam dafa genn aada yi tassanu li nga xamne moy li aju ci walu malaaka yi ci kenn ñom duñu moy yalla luñu def lu dul non parce que tamit malaaka yi malgré senu ñak moy yalla ak yoy yeb parce que dañuy wax sax ne iblis ci ciosan iblis xam nga dafa am lu ko dal li num tudd moy soppi dañ ko soppi manam moy comme nit mu nek nit ñu soppi ko golo xet gogou moko dal mom voilà après ci la mujjé nek sheytaane parce que baax sheytaane lool lay tek xam nga mu ngi joggé ci satana parce que borom xam dañu wuté sax rahmatullah ndax sheytaane ci satana la joggé wala ci shaata am bu fekkene da ci shaata la joggé moy lu tang luy alagé lu tang luy yak lolou parce que kon shaytan woowa day nek sifa mu balaga bu joge ci ismu bi manam buy tek kon shaytan manam ki nga xamantene manam alif nun gogu ñu ci yok pour tour ki ko lil alamiyati wala kon manam bu boba day daari nek comme Suleyman Salim sa xam nga Salim la joge manam muccuna wala wala legui wala legui Suleyman manam nek kon baat bo xamantene dante yok alif ak nun ngir alam yegi wala ak tamit jeegi day gi mu jeegi day ci muccu parce que motax yent yalla Suleyman sa sam non la melone dafa jeegi day ci nek ko xamni xol bi dara neeku ci manam dafa selu xol be même ni tuddu Suleyman sax bo len gisse non lañu mel han day gis ay nit lañ yo xamanteni xamuñu togn xamuñu jaax yu me manam duñu daño set xol di saar duñu gaawa mer duñu ki sauf que nak nguruk Suleyman gi wessal salam yenta amna jeexital ci ñom motax fuñu méré rek moy tuddiko wa ñom fuñu méré dal c'est bon nga gaawu dem parce que wa ñog ñu tuddu Ibrahima lool rek mo leen wutale moy ne ñi tuddu Ibrahima duñuy gaaw di fayu buñu méré malgré que dañ leen di togn alors que ñi tuddu Suleyman dañuy fayu dañuy mëndi am rap dañuy mëndi réprimander quoi voilà mais sinon xol bu set bek ñak gaawa mer bek yene nit ñi blu baax ak yoyep day nek ci ñom voilà mais kon cheytaane kon bu fekke fofu la joge mais li gëna wër moy ni ci chatana la joge ci chatana manam moy moy lu sori ndax sori gi mu sori yiw dañ ko mujjé sorel yiw ak mbax ak lepp lo xam wala ko sheytaane lool la manam dafa sori ba amatu ñu yaakar sax ci mën ko récupérer lool moy ko sheytaane kep ku sori bu mëna toño yaakar ci mom lu mën ko recueil motax téen bu xoté dañ nan bi urun chapel voilà et cetera légui kon kon sheytaane lool lañ ko def manam dañ ko soppi mom dañ ka soppi manam bu fek ñi wax ne malaaka la té li yéme moy ñoon ñu upp ci borom xam xam yi tafsir kat yi ibn abbas radhiyallahu anhu ci sen kanam té lu upp ci tafsir kat yi tam lool lañ wërël ñom ak tabari rahmatullahi alayhi ak ñeneen lool mom motax loolu motax même manam motax masala bobu jar def attention quoi ci position ci walu position jar la def attention torop parce que bul manam comme niko ñeneen ñi di wax leg alquran neena kana min al jinni affaire bi ñu japp ne non la simple alors que mais c'est comme si mais ñoom xamal nañ ni alquran neena kana min al jinni non mais ñoom ibn abbas radhiyallahu anhu ken du len ko jangal ñeñ lañ ñu mel ñoo li upp ci borom xamum tafsir non lañ ko firé upp ci borom xamum tafsir moy dañu wax ne iblis malaaka la won après yalla moko bi mu bañé ba ki yalla dako soppi def ko jinné bon dañu wax tamit ne iblis ci ciossat mom en vérité bugul won manam duné manam ci ciossat duné won dafa bañon sujud ci ciossat parce que d'ailleurs dañuy wax sax né même mbolo ñi nga xamné ñom ñoo manam talibé mi manam yeneen malaaka yi mom comme dafa nekkon seen kilifa yeneen malaaka yi dañ ñëwon ben jour di laccé di wax né ah ñun kat manam mu nekk seen kilifa né ko waaw yow ñun day dafa am borom bi ki mu wax né dina ndigal lool dana ko joxé dina am ku koy bañ way ñaanu ñu mu bañe nek ñun waaj mu ne yalla bu mu doon kenn ci yeen faté bopp yalla bu mu doon kenn ci yeen même dañuy wax sax né liko ñëkkon nal woon naron na su jot mais dafa bëggoon xol kan moy bañ manam tok bi ne su jot len mom dafa don taxaw di xol ana kan mo na rabal leg bi ñepp su jotté nak mom def mom kessé yalla ne ko me yow du na téw lan ko la téw gi su jotté voilà mu daan def qiyas bokk yoy même bu wax joju nak même bu dé ak wërëm dañ koy xol manam lu jara sét la mais manam c'est juste révélateur rek que ni iblis ci tassam manam mënon na nek ni effectivement malaaka la won et que yalla bolé ko manam mais après yalla ci bopom dafa namon ci mom lool té li yémi moy iblis malgré que manam xam nañu né manam sheytan manam dafa yaqku xam nga sheytan lool la rek moy ku yaqku la sheytan lool kessa la moy ku dem ba nga xam té da ngay yaqku la da ngay sori yoonu deug day daal dima doon setan motax mu amna ay ci jinné comme ni amé ci nit comme ni ko alcorane wax li kulina bin jaalna addu won shayatin al insi wal jinné wa amna setan yu jinné amna emna yu nit amna yu jinné voilà donc mais iblis kon mom dès le départ borom bi subhanahu wa ta'ala dafa namone ci mom ne daf koy bind même ak malgré que lumu meunti def ci ay at ci ay xéti jaamu yalla yu ak toroxlu ba nga xamantene sax bon bokku na ci liñ wax ci seen ci ay mbirum que ni jaamu na yalla juroom ñett fukk jooni at yo xamne han 80 yo xamne daf ko jaamu yalla lool mom motax ben bakkar jarul xet amul ben bakkar bu jar xet parce que 80001 yoy likuko yakal ben bis kesse la ben yagul sax lu tutil jamono ju ndaw la defal na nga mu bañ jeexna moko yakal 80001 yoy voilà d'ailleurs sax bokku na sax ci liñuy wax tamit ci ay mbirom ne comme nit ki fo xamantene dafa dox ni te jaar mart ko fa ni rek c'est parce que iblis musna fa su jot ngir jaamoko yalla lol tam bokku na ci liñ ci wax ci ay mbirom manam ngir wa ngir wax rek ne mi nga xamne nonu la yagge won ci lolou waye mais li yeme ci mbiru iblis li ci gëna yéme sax du lool li gëna yéme ci mbiru iblis moy le fait que mom yalla condamné ko manam mu xamné mom il est condamné à ça à représenter le mal manam et que manam mom ci jëmmé bopam moy ballu wa kep ku nara alku ku nara texéli mom moy nek sabab bi et que mom moy ballu way bi ci bopam manam mom moy source même du mal mais mu nanguko aussi xamné yalla li la nam ci mom waaw lolu gëna yéme tamit ci ay mbirum hein lolu lu yéme na ci ay mbirum andak né motax andak na limu xam lepp même ci walu touru yalla ya parce que xamna yalla quand même xamna ko bu baax mais malgré tout lolu téré wuko alko téré wuko représenter manam ak mbon ci jëmm bopam donc lolu lu mata bay xel la ci walu gogou manam mbolam ñi nga xamantene parce que bari na ci arif billah yo xamantene iblis len raw ci walu maarifa mais fouf du sen morom té pourtant gis nañ ni mu don motax lolu tax li tax nit mucc moy sel gi mi selal xolam yene rafet digeunte ak borom wala nek borom xam xam wala nek arif billah wala bari loy tabax ay jaka wala bari loy saraxe ak yoy lolou taxuto mucc lolou mën na tax ak ay julli yu bari lolou mën na la manam sabab la pour yexi ci li nga xamantene moy waralu mucc te moy xol bu rafet parce que objectif ñu bari dañ dul bayyi xel lool dañ dul dañuy nekk ci yi nga xamantene dañ leena def pour objectif bi mais ñom lool finalité lañ koy jappé ñu bare fofu lañ dul bayyi xel mbir wa ma ñi nga xamantene dama ko def pour objectif tay bu fekkete dañ ma bindulo ben rapport comme rapport de stage wala yoy mo war ko bind damay wut ordinateur pour bind ko du deug mais sama objectif mo na ko bind ta fe ko mu nek fichier word wala pdf mo man ko joxe mais su fekkete man damay préoccupé wu ci bon ordinateur bi bon doko wara defa rek xamna il faut mu wut hp wala bam yago no acer mo gën wala bam yago man no del mo gën wala yoy après mo préoccupé wu ci lool mo xolé dal ni mais ordinateur bi sax il faut que mémoire bi ma yok ko pour mu gën gaaw vitesse bi quoi xam nga té man suba la war rendre affaire bi buma défaré affaire bafu yag ma ni c'est que bouton yi ni ngi fo ma dem ñu changer wat bouton yi ak yoy manam ñu dem defare dem réparateur bi changer mo bouton yi ak yoy buma ñëwé daal ni bon si il faut mo wut compte spécial bo xamantene ci la koy defare et cetera mais finalement heure bi dina jox te duma bind rapport de stage bi té lool li moye kessé la won pour mo mënu bind rapport de stage pour mais man dama nak ci moyen bi di ci préoccuper wu ba faté finalité bi té lolou mbir la bu mata baye xel ñu bari duñ ko voilà yi nga xamantene mom moy moyen yi ci dess yépp ay même ay maarifa bi ak xam xam fiqh li manam xam li ñaan ilm xam fiqh bi hadith yi alquran bi usuli aqida et cetera yoy ak yenen xet xam xam ak maarifa yi ni ak manam julli wor yi saraxe yi etc. Yeneen ak yeneen yooyu yëpp ay moyens lañ kese pour dëgg dëgg li tax a jóg. Li ñu tax a jóg mooy ñu sellal la yaabudullah mukhlisina lahu ddin khunafa. Loolu yaabudullah mukhlisina lahu ddin khunafa. Parce que loolu rek la yàlla ne man diguma la diggal. Gis nga lu fi waay def moom loolu diglewul, lool lii rek la digle. Loolu donc mooy objectif bi. Wama umiru digaluñ leen dara illa li abdullah lu dul xanaa ne leen na njaamu yàlla. Waaw comme lam boobu laamul amru la. Li abdullah nañ jaamu yàlla muxlisina lahu ddin, ñu sellalal ko jëf yépp. Xonafa ju xocc jéng wëllif mboolem loo xam ne dëng-dëng la wala jàdd-jàdd la. Loolu la yàlla digla. Mu doog a indi moyens wa yuqimu salaat ñuy taxawal julli. Non parce que moyen la pour mën a yegg si ci objectif boobu. Te moyens yooyu ñooy yu wér yi. Maanaam mboolem moyens dañuy dugg ci yooyu. Yii ñooy yu basique yi. Nga xam ne moom boo ko tàmbaleewul c' est bon nga bañ a def nga bañ a prétendre dara. Waaye wutu zakat ñu joxe azaka mu daal di tudd jaamu yàlla yi nga xamante ne yaram a koy def ak yi nga xam ne àll la koy def. Te jaamu yàlla ñaari kot ñaari yooyu rek la, amul ñetteel. Li yaram di def ak àll di def rek la ak yiñ boole. Daal di wasaal di ko diinul qayyima. Lii mooy yoon wu jub bi. Lii mooy doxalin bu baax bi. Waaw kon loolu moom moo ñu tax mooy objectif bi. Mais mooy wama xalaatu ji noonu sa laali bi nu doomu dinne ak doomu aadama du dul pour jaamu. Jaamu boobu nag kon maanaam mooy sellalal ko jëf yi ngir yàlla kese di def ngir yàlla sa lépp nga jublu ci ngir yàlla. Xam nga yaakaar naa samedi bi passé ci déedéet ñu ngi doon waxtaanee affaire dëggu ni. Am na luñ doon wax daal bañ ba ci ba yegg si ci affaire boobu noonu. Non yaakaar naa siddiqui yi nga doon laaj affaire siddiqui yi. Danaan naa mba xaama siddiq ndax daal siddiqui wu ne yi ak yenent yi de am na ñoo loo doon voilà. Maanaam xam nga siddiq maanaam mooy maanaam après ci laa la waxee ne la dëggu daal laa xam ne maanaam ak siddiq dëggu sincérité honnêteté sincérité maanaam nit ku bañ a ku fóowul. Loolu mooy jikko joo xam ne bu ko yàlla mayee nit ubbil na ko bunt mboolem maqaama yu kawe yi. Ndax maqaama yu kawe yi yi ci ëpp doole mooy siddiqu ne maanaam ci ginnaaw gi ñeneen ñi ci des li ñu am moo ñooñu mayuñu leen ko. Ñooñu dañ leen ko may maanaam du loo xam ne ab jikko moo leen ko may. Maanaam du jikko ju ñu yore moo tax ñu mel noonu. Mais li nga xam ne moom jikko moom dana ci yóbbu nit ba mu mel ba mu am loola mooy dëggu. Sincérité ak siddiq huwa zinatul murid mooy taaru taalube. Ak siddiq awalu qadamin yadaahul murid fi hada tariq. Dëggu mooy première pas bi nga xam ne moom lay posé moom la taalube di posé ci yoon wi. Gis nga siddiq dëgg boobu li koy kii mooy xadis boobu nekk ci saxee yenente bi sal allah sallam ne alaykum bi siddiq fa inna siddiqa yahdi ila al birr wa inna al birra yahdi ila al janna wa inna al rajula la yasduqu wa yataxara siddiqa xatta yuktabu inda allah siddiqan wa iyaakum wa al kadib fa inna al kadiba yahdi ila al fujur wa inna al fujura yahdi ila annar wa inna al rajula la yakzibu wa yataxara al kadiba xatta yuktaba inda allah kazaban. Yàlla nañ ci yàlla sa maa ngi leen di dénk dëggu xam ngeen ni deug na ci d'abord ci sa bir lay tambali manam deug sincère ci sa bir yow sa digeunte ak sa borom sa digeunte ak say morom say wax ak say jëf deug moy li gëna tuuti ci deug moy sa bir ak sa biti nuro lool moy li gëna tuuti ci deug mais melni ci biti mais mel nenen ci bir lool du deug kakata wa wala bok no bok mo gën graw nafiq lan lañ koy nafiq en réalité gis nga motax deug am solo gi mu am solo taxna ba mom mo différencier entre nafiq ak julit parce que julit bi day jull nafiq bi di jull lu leen woutale sincérité ki limi def da ko gëm dama sincère ki limi def gëmu ci dara yaay de nafiq bi bu ñëwé ci jang yi bu solo ba bare ba taxaw mo tax alquran ka annahum khushubun musannada wa idha ra'aytahum tu'jibuka ajsamuhum gis nga bo leen gisé sen jëm da lay yim ak ni ñi solo sun grand bu yu ki kalaaw sun ki teeku ngand ak imbarakis waaw te nan tabarakallah gis nga non so len xolé da ngay fogg ne bo len gisé ci milieu bob da ngay fogg ne ñi mom li rek lañ man li gëna yahsabuna kull sayhatin alayhim bu gaay yuuxu bu ne wax ju ne dañuy fogg ne ñom lañuy attaquer lo wax rek dañuy wax ne waaj dafa tang parce que et puis waaji bu mo ñu lay waxal parce que ñom xam nga na fekk li ci yéme mom motax foko fekk motax alquran dañuy bari mune yahlifuna lakum kama yahlifuna lahum manam yahlifuna lahum kama yahlifuna lakum manam wala bu yowmal khiyamé sax manam sen jikko joju da len di attaquer motax gis nga jikko ju jikko mok borom bax gis nga nafiq bu demé ba yowmal khiyamati sax da ngay gis muy bu ko yalla présenter affaire yi day commencer wat manam wala way xabuna annahum ala shay ala innahum murkazibun wala mo yakhlifuna lahu kama yakhlifuna lakum way xabuna annahum ala shay dagn koy watal comme ni ngeen da watal yeen ci aduna xamata nafa xidi gawa wat da muy gawa wat moy mom da fay fogg ne comme mom deggul limi wax yeb dara du ci degg gemul ko mom legui yow bo len de wax day fogg ne yow da nga comprendre que ni mom limi wax du deug lo tax 1 2 3 rek mune bilde wat na ko sama bop dom ci na nafaq non lañ mel c'est que gemuñu da no en fait dafa amul dafa sincère boko fekke ni ko meuna fekke fu nek rek day mel lay jël couleuru namu mel na fofu mel mom bu ñëwé limuy jëk def moy lay étudier situation bi bu gisé ni ñi ay gaay julit lañ ñom da no gëm affaire yi nangam hein mais ñu manam da ngay gis ni ñi sax ay mouride lañ manam ki rek nga gis Seigne Touba mu morom mom yo la mais bu gisé ni gaay ay étudiant lañ mëna barké bam Aladji Malick na waaw mom ci bopam da fa sincèreul manam hein na fiqi non lañu mel manam dañu du manam dañu amul manam dañuy étudier situation bi rek manam sincèreul dal ci gattal voilà motax moy jikko ji nga xamné mo dox digënté julit ak kudul julit manam julit ak nafiq plutôt parce que nafiqi dañuy julli dañ da ñew ci juma yenté bi sallallahu alayhi wasallam du jullé ndo nit ñi di def lepp programme lu gaay def dañuy def bu buñu dem xex ji sax parfois dañuy and ci xex bi même bu fekkenté né dinañ fexé ba duñu xex mais dañ ñew no man dama fogon ni ci nangam so on finalement dal man damay dem ci ci res né wala comme ni Ibn Ubay def voilà ñew ni wala bon man et puis ki mom ñu joxe suñu avis ba paré ñu top muy top avis xalé hein man dal finalement man ma ngi dal téwé ñu waaw man sax suñu kër ga sakka bi dafa ci man dina ñu dé man sama tool bi sax dama ko waral la ki wax nga dëgg xaaram ñu ngi dem dem top to ji tool ya ki non non lay def ba dem kenn dinañ wut ngant ba du mbokk ci affaire wa ala gënal sa sala bako yalla may ndam ci yéfer yi xex bobu wa bu mu ñibisé ñom la moy sé réaction wa mais ñom dañu déggu na que buñ amé jullu ni buna dana ya layta na kuntumahum fa afuza fawzan aziman don lañu wax ka allam yakun baynakum wa baynahum mawadda comme si amul won den affinity sen digënté ñom lool la non aka neexon mo nekkon ak ñom bu ko défé mo am ci bénéfice bi quoi xam parce que ñom luñ ci wax yi luñ ci xalaat yépp moy butin de guerre bi ñom lool lañ ci xalaat non non na fekk mom calculum man day calculer du réfléchir tout est calcul tout wa calcul la wa xam nga kuy réfléchir moy ko xamné day xol luy jaadu na li jaadul mu xol lu yanumaana mu xol li nga xamantene mo et cetera kokou moy reflection mais calcul moy damay xalat même procédure la sauf que intérêt lay xol wa sama intérêt fi la ne ci lola lay ki sama intérêt li dal wa mo kokou day calculer du réfléchir wa mais yantib sallalahu alayhi wasallam ne kon ma ngi len di denk deggu ndax deggu lo kon xam nga deggu da fay tambalé d'abord ci yow déjà sa digënté ak sa borom sa digënté ak say morom parce que déjà xam nga ku deggul da dul nexa jëfëlenté yow tay même boko bëggone conseil sax do ko mën parce que lim lay wax ak li xew du nek ben donc dul meuna conseiller manam ya subhanallah manam day gis ba pare c'est que da dul nexa jeufleuntel parce que da nga dul xam lim lay wax lan mo ci deug ak lan mo ci nekul deug déjà lool moy ci wax ak ci jeuf tamit parce que ko xamantene tantôt mu melni solo fi mu ne gok tamit do xam fokoy fetele manam yow rek deja pour nga meuna doxal sey mbir rek da nga dul xam manam ndax war nga meuna konté ci mom wala dit ak yenen lolou mom moy problème ñak dug meuna deug kon problème de fiabilité waaw problème fiabilité da nga dul xam yow tay manam tay même hein comme lima ben mer wax diou sangam bi ne yaayam da genn aduna manam mom ci jëmi bopom mi ngi xalat est ce que li wax deug la manam est ce que deug la mais est ce que limi wax deug la yaayam est ce que réellement yaayam da genn aduna manam kokou rek déjà pour mu compatir ki situation bobu rek déjà problème la ci mom parce que xamul sa ndax est ce que information bi fiable la andak ne mom la concerné mom mu ngi joy nan sama yaay da genn aduna mu ngi joy ya mais mom ci bopom mi ngi xalat ne est ce que deug la la ilaha illallah yoy di yag di expliquer moko indi Il est venu à la maison. Il est venu à la maison. Mais, mune te nit dimay di deggu di def effort tout temps ci di deggu sincère di véridique tout le temps ba ñu mo xam premier jour la deuxième jour wala troisième jour wala millième jour bi lay doon kañ lolu yalla ko xam mais dina mësa dem ba ñu bindu ko fa yalla ne ki siddiq la dox ko ma xama siddiq parce que motax pourtant waxul da fay jullu lu bari da fay wor lu bari guddi gi yep da koy nafi la waxul lolu ay day def dedet da fa deggu kesse deggu gogou yalla def ci xolam deggu gogou nek jikom rek moy yikiti ay maqamam ba karamu bok ci siddiqou na yow la ma nga ndu moy di ko lo expliquer hein kajbu parce que kajbu day yobou nit ci katchoré déjà lool la parce que déjà bu fekkete da li wax sank nit ki dafa wax lo xamné explication la déjà wala mu jëf jo xamantene ñak deggu da ci am manam ay explication la jëf ji ci bopam tout temps day obligé pour expliquer wat encore pour me neub bu jëk bi voilà le mensonge initial amène un deuxième mensonge mais bien sûr on est obligé d'entretenir le mensonge. Voilà. Voilà, on est obligé d'entretenir le mensonge. Il y a une petite bougle que Dieu dit tout le temps, qui nous explique. Dieu nous dit ça. Une petite bougle que Dieu dit, ou alors deux. Bon, il y a une autre chose qui ne concerne tout le monde. C'est le malaise. Il y a une autre chose qui nous a dit que le malaise n'est pas le malaise. Mais, mais amna benen bo xamne mom ñep mom ñi expliquer yep lako yalla tek ba mu dess ay extrêmement rare ñu yalla mussel ci ñoom moy fokk lay feñ yag lay feñ waaw yag lay feñ te yag gi sax ci relatif la waa ak ñak cese parce que yow tay imaginer boudé waji mom bu démé comme par exemple ci mourido sun tuwa mu morom non bu démé ci tidiane ba wat na barke aladji malik la lay wax gis nga di ngi nangam mam mais wala sun babakar mu morom mo hein il suffit que ñaari groupe yi am ñenn ñu ci dajé rek mom mu ne ci digg bi rek jeex na kèn dootu xamatu fu mbokk lom don no ah wa te pourtant lolu rek déjà lolu moy li nga xamné sax da naka jarul neub say confusion ci lolu parce que ben la dans une certaine mesure ben la ñom ñep ci diiné ji lañ doon lañ né ñom ñep ci lu bax lañ né ah lolu jarul neub ci lu bax rek la ah légui nak wa légui nga gis nga ah nga djugé légui conférence diiné daldi and ak gaay yi nangam nga défé gaay défé né yow lool ci lool rek nga né ndax ñak deggu ñu ñak deggu mais nga génn rek ben way wowe la benu tour bo xamné ay xamné ci fo kat yi lañ ko ké ah ci fo kat yi ñi ñak deggul moko indi non mom tout temps bokk na ci mbugal bi len yalla di tek moy ñu deggu ba pare lolo tax nak muy indi nit ki di dem ci katchor ci di gënd katchor parce que comme il faut pour mun il faut mu neub li ñak deggu gis nga même da nga gis ni même ay ray nit ni ñu bari ñukoy def parfois li len ci yobbe moy lool moy dañuy def ben affaire bo xamantene baaxu ñu bëgg neub lool mais seule personne yi nek au courant mais ñoo dañ leen di ray bien sûr pour au moins ñoo duñ ko waxtané fénéb ah mobile bu réré la ñak deug non ba paré nit ki nga xamantene da fay ñak deug tout temps da ngay gis pour neub ko souvent day def ay affaire yo xamantene ak tay tay la après ya ak tay tay yow bo ñewé ni nit ñi man hein gis nga nangam yorna ñaari auto ben bi BMW la bi ci dess nangam la hein gaay xamné amut wala bok affaire bi nga war ko prouver fo nga sacc ji ben be windi au moins pour jour bob ñu nit ñi gis na nga présenter ko ñu mën ko hein ah oui fo nga dem sacc ko ñu présenter ko parce que néwon nga am ko té jamono ji ñu wara gisé wala bok xana nga expliquer wat neneen hein dama ko alé dama nangam té lool yépp ay xéet yi xéet yi njuj ñak da ci fop nga def njuj ñak fop nga njuj ñak loona di expliquer wax lu deug da fay yobbu nit ci hein ak katchoré katchoré day yobbu nit ci day yobbu nit sawara perversité da yobbu nit sawara mu ne nit dinay di nek di explique di wax lu deug di def tout temps effort di expliquer xam nga té beur na ci wolof bon sénégalais yi de manière générale ñepp sénégalais ñu bëri loolu problème bu reuy la ci ñoo yalla ñu yalla sam day genn fi li ngeen ko fo jëm am bu dé tuba bugul wax fu mu jëm dal na la mais duma la ko wax né sénégalais da lay wax né la pro sangam fekk ni mu fofu né ba paré na dama ko sanni hein non bu la ki rek sanni ko amna luñu wax tawriya moy mo wax jo xamantene lima ci bëgg wax loolu deug la manam man lima ci djublu deug la sauf que ki mom limi comprendre ak man lima ci djublu du ben comme toi par exemple monela man de demna makka ñaar yoon makka mom demna fa ñaar yoon yow li ngay comprendre moy ajiina mais man lima ci djublu rek moy makka mbuben demna fa ñaar yoon jeexal voilà xam nga man limu wax du deug la hein wala tay par exemple ngay wax nit dara ngeen teurel dara ben ki nga bëgg gëna tey ci affaire bobu nga bëgg def dank ap étudiant nga ganiko wa 5 ans dama nek ci examen mais xaaral bu examen buma examen yi jallé dina ki fekk examen yow liñ ci djublu moy da ngay examiner dossier bi affaire yi ñu examiner liñ ko wax deug la mais mo limu ko yoy nak mën na nek lu bax ci yenn situation mais bu le da fay beuri tout temps day daal mu jëne nek comme fen rek bu dé tout temps dang koy def lolu mok expliquer day daal mu le mu jëne ko ben hein voilà radiyallahu anhu voilà sayyidna abubakar radiyallahu anhu lolu defal moy mok yentou sallallahu alayhi wasallam biñu andé di gaday ba am ku tassé ñu tassé ñom ben pa ne len yeen fo len joge ñu ne ko mimma ci ndox len joge legi mom pa bi pour ñu bañ xap pour pa bi bañ def bu len wa makka tassé ñom ne est ce que gis ngeen ñaar nit ñu joge won makka ñu ne waaw si ñu joge makka gis nañ ko mais mom le fait que mëna len ci ndox len joge manam moy ñun ci ndox len ñu bindé nit ci ndox len ko bindé ñoo lool la ci djiblu wat fo len joge ñu ne ci ndox len joge dal di bayro mi mom leg day fogné ci point d'eau pa bi mom day fogné ci ben point d'eau la jogué bi yam ko voilà lol yoy mom mën na bax hein mais Il faut que tu expliques tout le temps. Hein di def effort xam nga daf ci am ño xamne non lañu mel tout le temps dañuy def effort pour expliquer manam pourtant mën nañ wax deug gi sax amul ben problème c'est que man luma xam nga leg ñu waxtaan ci mo wax lo man luma mëna comprendre man mëna comprendre nit ko xamantene situation dafa taxaw peut-être bu am lu muy rus wala mu am ay conséquences yu ko nara dal wala yu mel non mu wax lu deug lolu mën nga ko comprendre même su fekente na baxul mën nga ko man c'est compréhensible mais li ma mën te comprendre moy ko xamne dañuy tok rek waxtaan yu neex rek mu créer anecdote indi té mom lér nako ni mbir mi xew manaw wala bok affaire yi hein moy sen bu amul conséquence waaw bu amul cause bu amul cause amnay conséquence mom mais cause waaw wala bu amul cause lulul ne nit ki dafa deugul bobu rek moy cause bi parce que mënuma comprendre nit di expliquer lo xamantene mom leer na ko parfois sax limi wax yow bi mi waxal xam nga ni limi wax du deug mais téréwul na ni dina ko wax quand même lolou mo gën graw encore yow bi mi waxal mom xam na ni yow mi xam nga ne mom limi wax du deug mais téréwul dina ko wax lolu febar la yalla ñu yalla sax lolu c'est grave hein wala muy wax parce que tout simplement mais amul dara lu wara tax mu wax li nga xamne du manam amul pression wu teggu ci kawam amul lu muy neub amul dara mais tout simplement daf koy te expliquer là tout simplement voilà waxna dal lu deug man lol mom man vraiment la arrivé wul batay pour mon ko comprendre manam batay j'ai des problèmes en tout cas pour mon comprendre lan moy manam attitude bobu ala lan moko indi quoi voilà té ken forcé wul pour nga wax affaire bobu ken waxul lu ci dara ken laaju sax avis pour nga wax sa avis ci mbir mais ken waxul dara da nga bok ci wax di rek tok rek dal indi ben explication dal di wax ni nangam amna wala dana def nangam wala yorna nangam wala amna nangam wala nangam nangam alors que mais ken waxul ci lolu ken manam amul dara lolu pousser mais amul ben mais c'est grave. Je n'arrive pas à comprendre ça. Man lolou ba legui non sincèrement man dama am problème pour saisir mana affaire bobu mana bi parce que so fi war la yalla yalla sa bu wa non deug kon voilà legui nak te hein yalla yalla sa bu mais deugou dal nit ki mom bu ko yalla dembele bu mu deugou non ñaar jikko ñaar mbir wala ñett bu ko yalla defal de nit moy ubbil nako buntu yep en fait maqama yi ku ko raw ci maqama ngeenel la gu ko yalla defal ngeenel la gu yalla defal koko ci mom mais du ne mom ci bopam doko sout ci en tout cas parce que manam doko sout ci sabab voilà doule doko sout ci sabab te yoy ci xol la jëf yoy jëfu xol la moy deug ak mahabba bu deug ci yalla ci yenté bi sallallahu alayhi wasallam ci dafa ci yalla dalal ci nit yalla yi ak nit ki xolam di sante yalla ci lepp manam ci xewal yek natou yek yep mu ci gis xewal yalla diko sante yoyu mom kuko yalla defal ku ne defal na la ubbil na la buntu yep pour nga nek ci ponk pour nga bok ci ñu mag ñu señ bi limat ko inshallah deug deug mom comme niñ ko gisé ci hadith bi legi non mais subhanallah bi non hadith bobu hadith bu yémi la utana benen bu ñuy wax nit ki dañ koy sampal drapeau bu féké mu signifié deug bobu drapeau kuy fen wa non hada wa ki raya ki wa bobu tam amna benen hadith bu koy wax wa nga xam tane dañ koy mujjé sax sampal drapeau pour wané ni ki mom ñi ki waji dafa deug wala ké ñu sampal ko drapeau ñu wone ki mom day expliquer mais lolu bo xolé mo ngana hadith bi ben la moy né day deug rek ba fa yalla ñu bindal ko hein ñu bindal ko fa borom bi né manam duggal ko ci liste siddiquna imagine nga siddiq ma xama siddiqé du tuti hein ma xama siddiqé ginnaw yarantii rek ñom ñok ñom qurbu zaman sax seen bir lañ koy tané gu maqama bu kawé amma mahabba mom moy yoon bi ci bopam ah al mahabbat lepp ci la né moy sop gow kep ku yalla defal mahabbam ni manam nga sop yalla yanti bi sallallahu alayhi wasallam sey rahmi tijara radiyallahu anhu mi jeexna yow am nga tafat d'ailleurs moy lolu sax ni ko munta am ñi nga xamne seen xol yalla dafa def atunum ko bu len yalla namé jariñ ci la len di yobbo ci alternative bi manam lo xamne du véritable alternative sax moy da len di yittelo ñuy jëf lu bari manam ñu nekk ci jëf yu bari di julli lu bari di wor lu bari di sikar lu bari di ki et cetera ñom alternative bobu la len yalla defal ñi nga xamne seen xol atamul mahabba bobu ndax après parce que mahabba bobu moy indi secret yep fofu lay djougué lèr yek yep fofu lay djougué fofu lay balé ak gërum yalla diko sante ci lepp ci mbolam xewul ba ci natou yi sax nga koy gissé comme ay xewul lo xamantene yalla daf lay manam ngay gis ne ngay gis côté xewol bi sa xol di sante yalla fum tollu lolou mom mandarga bu reuy la ci wal même yoyu ay mbir la yo xamantene en réalité yoyu ñoo jara insister yoyu ñoo jara insister motax ku yalla def yoyu non nek ci yow moy paré nga sa affaire baxna mais nak ñu bari dañuy woru ci fogg gi ñuy fogg ne manam ci zahir ni biñuy atté mbir yépp ci zahir dedet affaire yi l'apparence la apparence là est souvent trompeuse l'apparence là si dañu bari la ñu muy nax ñu bari ñuy woru ci lool fogg ne affaire yi fofu la nek lool nak tekkelewul ne duñu jëf kibiti mais jëf yoy malgré que mi ngi am kibiti mais yoy yep ngir jaamoko yalla la ngir sopu yalla manam ngir deug gi ñu deug suñu digënté ak yalla ak sante yalla lepp gis nga mo tax yep da ci delu budé bëgg giñ bëgg yalla mo ñu yobu ci ñu mo tax ko un ko dubbu xibuna allah fattabi'uni yahmikumullah so waxal so leen soppé yalla hein top leen man yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bu ko defé yalla dal leen sop lo leen bolem ñu bax té lool mandarga bu lay reey la ci wilaya parce que wilaya bokku na ci mandarga yi ci gëna feñ moy le fait que ku manam nit ku ko yalla rang wilayatul khassa deug bu ma ku ko yalla rang ñi ko iñane rek ñokoy nono wala ñokoy xass ni ko ignoré kessé ñokoy mëna xass keneen ku ko ignoré wul ku ne du ko mën ngañ wa parce que ki ignoré mom kenn mënul ci mom dara fo jaar dina jëm ut ay ay sik par ci par là di jëm wax fi par li par ci par là mais ñoñu rek ñoy mëna am wa ba paré bok na ci moy ku koy xass sa xel du dal xam nga lolou bok na ci xam nga amna ño xamne motax amna kan la ci doon waxtan fekk ñu wax ci xam nga rek wolof leug leug de ki ñi gënalante yi japp fi ci serigne bi gëna fi serigne bi gëna fi et cetera ak nit ko xamantene te lolou lu bari la ci même milieu serigne ci daf ci am ñu bari lo xamantene manam da ngay gis même ci bitini sen conférence yi def ci biti ci lañuy gëm lo nit ñi ne ñom dañu gëm ñepp wala bëgg na ñepp mais bu dé ci walu béro ni manam so len béro ni ak ñom intimité ci intimité ni da ngay gis ne leg amna ci ñom amna ci ñom ño xamné dañuy jéma yaq deru ñi nga xamantene duñ seen serigne manam ci serigne ci voilà dañuy jéma yaq sen dar fekk sax mbokk mom lu bax sax la doon wax nak ci bir lolu mom tam da doon déplorer lolu dal voilà di déplorer situation bobu bama niko ah len dal xamna amna ay nitu yalla yo xamné comme ku mel ñom Seigne Touba radi Allah boy wax ci ñom lu ñaw sa xel du dal manam même bu fekkentene da nga lo deung ak lo sori ak lo japp ne li ngay wax deug la loko japp dina am ci ginnaw dara lu nan la saway te est ce ligue debu worna dina am ci ginnaw lu lako wax si mo lo deugur fit nak wa lol la parce que dafa am ño xamne lol la mais deggu ko fi legui nak deggu gi mom wax lañ fa sank amma shukru gi comme li iblis waxon rek bim ne gaay fu ne dana len fa jaare mom sen kanam sen gannaaw sen et cetera ben buntu la bayyi moy dana wala ta jidan ak sarahum shakirin di nga fekk ne ñu upp ci ñom do len fekk ñuy sante ñuy gëreum di sante di gëreum waaw manam nga xamne buntu bo buntu cant ak gëreum buntu la bo xamantene mom iblis mom ci bopam ci la abdiquer reconnaître na ne mom buntu la bo xamne ku ca jaar hein mom du la meunal dara motax yantibi sallallahu alayhi wasallam di wax ne moy muna afala akunu abdan shakura wa manam parce que tamit muno ni ngeureum manam luma tere don vraiment jambuy geureum yalla boromam rek manam yoy yep da ngay gis ne li len dajale moy ki mel nonu jaamum yalla yi defam yi daf koy def ubudiyatan mahda manam da koy def ngir jaamoko boromam kesse pa wutul lenen wutul ci ginnaw dara lulul rek ne da koy def ngir jaamoko yalla ngir degg sincerité bi am digënté ak boromam ak ngir ciofel sop bi mu sop boromam anou taala ak ngir lan gëreum boromam han wota te lolou mom moy buntu bi wa on tay mom dou fekke ki wuni ci amassou wuni ki bi mais amane ndad wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin.